7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. J'ai envie de faire le coq ce matin, mais non, j'arrive pas à imiter le coq. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Bon dia, bonjour la planète. J'espère que vous allez bien. José qui est déjà connecté, qui est parti dans son camion, travailler. Salut à toute la planète qui est là sur Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Bray. Courage à vous dans la voiture, là, vous allez au boulot ce matin. C'est un peu humide ce matin, ouais, de la pluie, des nuages, mais normalement, ça devrait s'améliorer au cours de l'après-midi. Le soleil devrait revenir. Les températures 6, 7 degrés et on va dépasser les 18 degrés. Eh, c'est pas mal quand même, hein. Donc je vous rassure, normalement la pluie cet après-midi devrait commencer à disparaître. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir sortir les boules à facettes si vous allez au boulot. Enfin, les boules, il y en a qui ont des heures. C'est la journée internationale du disco en France. Voilà, le créateur du disco, bah, c'est lui. Le disco, on croirait que ça a été créé aux États-Unis. Bah non, c'est en France avec Sharon, le dieu du disco à l'époque dans les grosses discothèques parisiennes. Eh bien, c'est lui qui a amené le disco en France. Voici Super Danger. Bonne journée, bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. 7h06 avec le meilleur des discos ce matin. Bah oui, c'est la journée internationale du disco. Heureux d'être là avec vous. 7h07, la météo qui arrive dans quelques minutes. Et on est heureux d'être là avec vous, comme Seb qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-Bresse. Salut Francky, merci de rendre hommage au disco. Bah ouais, c'était mes folles années quand j'étais jeune. J'allais en boîte. Le nom disco, il y a justement du nom discothèque, voilà, qui sont réouvertes et ça fait plaisir. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Et du soleil pour bien démarrer cette matinée, le soleil qui arrivera cet après-midi normalement, avec encore quelques nuages. Voici Charlie Black. Cinturita suelta, parece pa' mí una acróbata. Y estoy loco que conmigo te atrevas. Lúcete pa' que me pongas a prueba. Cinturita suelta, parece pa' mí una acróbata. Y estoy loco que conmigo te atreva. Lúcete pa' que me pongas a prueba. Ce matin avec Charlie Black, Party Animal, le Redet avec vous, c'est Francky dans la radio. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des années disco, des années fêtes, des années 80. Allez, on va se les faire remixer, corriger par Francky. Les débuts de soirée, la nouvelle version. Choses grâce au son du coléta. Ton cœur est un sable. Aujourd'hui, c'est la journée internationale. Le meilleur des années 80 avec début de soirée revu et corrigé par les DJ parisiens. Ça fait du bien de vous retrouver ce matin. Tiens, il y a un jeune serveur qui habite en Haute-Loire qui a trouvé le bon plan pour la hausse du gasoil. Eh bien, il a supprimé sa voiture, sa belle Clio. Il l'a échangée contre un cheval. Du coup, il va au boulot à cheval 3 fois par semaine. Et ça se passe en Haute-Loire. Voilà, une belle parade. Un cheval pas facile de le garer en centre-ville quand même. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio jusqu'à 9h. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Et on est là avec les meilleures des reprises, celle de Jojo par les Gypsy Kings. Je te promets, belle journée et bon réveil. Comme à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. peut-être avec le temps à l'avance d'y croire. On peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent. Et même si notre histoire se termine en mode, je te promets mon monde de fièvre et de douceur. Pas toute la nuit, mais quelques heures. Cette reprise, les Gypsies, un Chico and the Family, belle reprise de Johnny Hallyday, je te promets que les nouveautés ce matin, on vous les promet avec le tout nouveau Willy William. Yo te veo, no me importa el color de tu piel, si vienes a bailar yo estaré ahí, vamos a romper la disco. L'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Voy armando el... Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sitio se quede contigo. Despacito, Francky dans la radio. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Eh ouais, une bonne action, ça fait du bien de retrouver des bonnes actions dans la région. Et celle-là, ça va se passer ce samedi 19 mars 2022. C'est à Chargy, tous ensemble pour nettoyer les bords de Loire. Une Loire propre, un fourneau plage Chargy, organisé par Christian Duguet. Les gants sont fournis, il faut juste avoir des bottes. Si ça vous intéresse, eh bien, il va nous en parler tout à l'heure au téléphone vers 8h15. Nettoyer la Loire, et c'est super important. Il y a tellement de canettes de boissons, de paquets de cigarettes, de mégots, de plastique, et j'en passe. Il y a tellement de trucs qui traînent dans la Loire. Eh bien, une bonne initiative qui va se passer ce samedi 19 mars du côté de Chargy, à côté d'Orléans. Et l'initiative, justement, c'est Christian Duguet qui sera au téléphone pour nous parler de ça tout à l'heure vers 8h15. Du son qui arrive, on a Kinvé, le tout nouveau, et c'est une affaire classée. Kinvé sur la principale. Déçu, je n'attendais rien de toi. C'est vrai que tu m'as eu et tu ne m'auras pas deux fois. Je te lâcherai des vues, je te calculerai pas. Si on se croise dans la rue, les tontons, regarde-moi. J'ai compris que tu étais toxique, que tu n'avais aucun principe. Pour moi, tu étais bien trop gossip. Avec toi, j'aurais fini en slip. Et tu parlais, je t'écoutais. Plus tu parlais, plus je venais à douter. Tes mensonges, tes cachotteries, me rongent petit à petit. Écoute-moi bien, là je vais vider mon sac. Je suis guéri, guéri, surtout ne t'en fais pas. Hors de ma vie, je ne veux plus tes bras. Guéri, guéri, surtout ne t'en fais pas. Hors de ma vie, je ne veux plus tes bras, non. Ah oui, c'est mort, mort, mort. Et je te le dis sans remords, mort, mort, c'est mort. Ah oui, c'est mort. Soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Celebration, la journée internationale du disco. Allez-y, mettez le son à fond ce matin. On va vous en mettre quelques-uns comme ça pour vous emmener au boulot. On va être avec vous, c'est Francky dans la radio. Côté météo, c'est pas terrible ce matin, mais ça devrait s'améliorer. La météo. La météo pour aujourd'hui, ben le ciel est très nuageux, pluvieux ce matin. Les éclaircies devraient arriver cet après-midi, ça c'est la bonne nouvelle. Les maximales aujourd'hui jusqu'à 17-18 degrés, voilà, on va être bien. Le temps sera doux et normalement le soleil devrait réapparaître dans l'après-midi. Voilà, heureux d'être avec vous. Isaac est connecté du côté de Saint-Jean-de-Brest. Salut Francky, belle journée. Belle journée aussi à toi. Et bon réveil avec le nouveau Charles V qui arrive à Personnalité. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. Personnellement, personnellement, je réfléchis pas, je prends juste de l'élan. Pas de touche à nous, c'est que du talent. Bam, ça les détend. Ils vont se casser les dents. Je perds pas la face, c'est ton cœur, j'y prétends. J'entends à moi et le royaume s'étend. Quand la lumière s'éteint, les deux parties s'entendent. Fais tes valises, chica bon bon en provenance de Belize. Faut que je me canalise, car elle c'est ma plus belle prise. Faut trop coupable, tu prêtes pas d'amitié. Toi et moi on dit on ne sait pas qualité. J'aime trop ton regard, ta personnalité. Faut que je trouve le calme, elle me fait mal au crâne, mal au crâne. J'ai qualifié, c'est ma drogue légalisée. C'est sur lui que j'ai misé. Je suis sa Mona Lisa. Donc c'est pour ça qu'aucune BH ne loupe. Je m'emballe de sa visa. Si tu le cherches, c'est en deux que je touche. Je fais pas le con ou je te mets KO. C'est être pour toi car c'est moi ta go. Si tu déconnes, tu connais le tarot. Tu connais le tarot. Sa mère, je crois tout le monde a compris. Je lui fais la fête de mes nuits à midi. Je te dis que je possède la bonne à pas de fée. Faut pas que pas d'amitié. Toi et moi, on dit, oh, c'est la colle. J'aime trop ton regard, ta personnalité. Je trouve le calme. Elle me fait mal au crâne, mal au crâne. Personnalité. Personnalité, personnalité, ça c'est l'artiste de P-Square à son French. Par Charles V, coucou à Toto qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-Brest. Salut Toto, il y a du Saint-Jean-de-Brest ce matin. Olivier aussi qui est là, Nad, qui est là. Salut Pascalou, hein, mon Pascalou du matin, on le salue mon ami. Belle journée, Ina, Sean Paul, c'est sur la radio couleur. Belle journée, bon réveil sous le signe de la pluie. Mais le soleil devrait revenir normalement dans l'après-midi, donc soyez patients. Feel all the pain and you feel all the mental drain. Hey, yeah. But you don't know. S to the P, when we there, you figure to get on a different plane. Can't contain all the loving when we got to your girl. Come and want you, you call out my name. And it's a shame, them wanna be your main baby girl. You know them, I move too late. You are got nothing to lose. Now you can bring me up. Up. J'adore ça, ça sonne frais. C'est Ina avec Sean Paul. Le grand retour de Sean Paul, ça fait quelques années qu'il tourne quand même l'ancien là. Hein. Heureux d'être là avec vous, Francky dans la radio, l'horoscope qui arrive dans 20 minutes. Et puis tout à l'heure, on va parler de la Loire propre, direction Chingy, avec au téléphone avec lui, Christian Duguet, qui va nettoyer une grande partie de la Loire. Il y a du boulot, je peux vous le dire, ça sera ce samedi. Et puis plein de nouveautés. Maniac, Michael Sambello, version 2022, par les DJ. Son of Legend. Cette petite version reprise des années 80. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du disco avec Maniac, la reprise de Michael Sambello. Ouais, ouais, la bande originale du film Flashdance. On adorait Joël, qu'est-ce que la douche? Ça y est, c'est parti. Enfin, Slav, ça arrive. Human League, que de reprises ce matin par les Purple Disco Machine. Bon réveil et passez une bonne journée à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Écoutez, ce remix, il est terrible par Purple Disco Machine, le DJ allemand qui reprend Human League dans les années 80. Journée internationale du disco en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Don't you want me? Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? Don't you want me? Don't you want me?

7h09, c'est Francky dans la radio avec du son pour bien vous réveiller, vous emmener au boulot ce matin. Le tout nouveau Kungs, clap your hands in the air. Et oui, ça veut dire bah, taper des mains, voilà, dans la voiture peut-être, hein, lever les mains au-dessus de la tête. C'est la journée mondiale et internationale du disco en France et sur la planète. Et justement, le créateur du disco, c'est Sharon, ouais, qui a ramené le disco en France dans les années 70. Le grand monsieur maestro du disco, une reprise, remixé par Sharon le fils, c'est Chic de Freak. Votre réveil matin, c'est Francky. Pero antenne, appelle le 02 38 43 48 00. On arrive en hélico, ça pète comme Enrico. Mais mon premier c'est trop hala en écho. Millions d'euros de déco, sans pas jaja, c'est ma pinto. Moi je prends des selfies jusqu'à Porto Rico. J'avais la haine, j'ai joué jusqu'à lundi. J'ai le temtem, j'ai mis le sac à lundi. Et la Zina, elle s'habille tout en Fendi. J'suis sur TikTok, elle fait la danse des bandits. J'suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Quand j'me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. Avion sur Paname, j'ai le bagalame, ça m'a touché, j'ai l'alarme. Tu peux fumer, j'ai mis la soquette sur l'alarme. Qui t'a dit que j'étais fauché? Je viens d'atterrir ou bouger. Dans le fond, tout m'a coudé. Je les vois tous jalouser. Je suis très organisé, des petits chats m'ont bougé. Je suis en airplay tout l'été, le rouge, j'ai pas fait. Je suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es bon. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. J'suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. Laisse-moi vivre ma best life. Best life. En Bentley, j'voulais vivre ma best life. Par cœur, je sais que t'en veux encore. Je vais serrer ton petit corps pour mieux sentir ton cœur. Je te connais par cœur, je sais que t'en veux encore. Je vais serrer ton petit corps pour mieux sentir ton cœur. Best life, avec tous de best life. La vie est belle, la vie est une bête. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du disco, donc soyez là dans les voitures. Hein, du son disco qui arrive, on aura Charade, on aura un vieux Claude François, l'ancienne, ou un Jimmy de Funky Music. Heureux d'être là, c'est Funky dans la radio jusqu'à 9h. Il sera au téléphone avec nous vers 8h15. C'est Christian Duguay. Il va nettoyer la Loire du côté de Changy. C'est un bel événement, ça va se passer ce samedi à 8h30. On en parle avec le téléphone tout à l'heure. Belle journée et bon réveil. Wake up for me. Il me fait ce n'est qu'au dernier. Détourné, détourné, il met son corps devant et son corps derrière. Détourné, détourné, ce n'est qu'au devant, ce n'est qu'au derrière. Détourné, détourné, il met son corps devant et son corps derrière. Détourné, détourné, laisse la mêler. De soleil le matin, l'île de la Réunion avec Willy William, mon poteau Alain Ramanissium, DJ Assad. Ça, c'est pour vous donner la bonne humeur. Heureux d'être avec vous, c'est Francky au réveil. 8h05, on va parler de la Loire propre dans moins de 15 minutes. Direction Chingy, une belle opération qui se passe ce samedi. On va nettoyer la Loire, et ça grâce à Christian Duguay. Il y en a plein des opérations comme ça dans le Loiret. Mais là, ça va se passer ce samedi à Chingy à 8h30, donc vous allez pouvoir participer. Il va nous expliquer ça au téléphone, Christian, tout à l'heure, en direct de Fourneau-Plage. Ça claque, le nom est claque quand même. Hein. C'est Francky dans la radio, du son qui arrive pour bien vous réveiller, vous emmener au boulot ce matin, avec une reprise d'Elvis Crespo par Slooking, Suarlemente, et ça on adore sur la radio arc-en-ciel. Ça sent le soleil et ça sent les vacances. J'adore sur la radio arc-en-ciel. Coucou à Jojo, coucou à Olivier qui vont bosser ce matin comme beaucoup en France. D'ailleurs sur la planète, il y a un mec qui est parti bosser à cheval ce matin. Ouais, c'est un serveur, il est en Haute-Loire. qui n'a trouvé la technique comme le gasoil a augmenté, bien s'est dit moi je prends un cheval. Pas facile de le garer quand même au bureau, hein. Le DJ qui revient, David Guetta avec Faceless, version 2022. On est heureux de vous les présenter ce matin et on adore. Ça va vous réveiller, direction les discothèques, dans la voiture peut-être, la journée internationale du disco en France et sur la planète. On va vous jouer du son funky disco live en direct ce matin. Belle journée et bonne journée et bon réveil. Avec le nouveau David Guetta et Faceless, le retour de Faceless qu'on n'a pas vu depuis des années quand même. Et puis aujourd'hui, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir danser au bureau parce que c'est la journée mondiale internationale des discos sur la planète. Le créateur du disco, bah, vous le connaissez, Sharon, qui avait sorti Super Ledger et puis aussi ce titre qu'on arrive tranquillement, Give Me Love. Le son du créateur des discos en France. Coucou à Edouard qui est connecté du côté de La Chapelle, Saint-Mémin. Salut Francky, belle journée à toi. Merci de m'avoir joué le petit David Guetta là. Ouais, sympatoche hein, ce titre avec Faceless. Du son, Sharon, Kimmy Love. Belle journée, bon réveil, 8h13. Et puis on va partir du côté de Changi dans quelques minutes. Nettoyer sa Loire, ça va se passer à Changi. C'est ce samedi et une Loire propre avec Christian qui va tout mettre en œuvre un samedi à 8h30. Si vous êtes motivé, bah levez-vous. Allez, voici du disco. Et Sharon. J'adore ça, le son de Chiron, le créateur du disco en France. Et ça y est, vous vous déhanchez dans les voitures, hein. Direction Changi avec Christian qui est au téléphone avec nous. On l'accueille tout de suite. Hein. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Mais oui, ça existe vraiment cette ville. On est à Changi avec Christian au téléphone. Bonjour Christian. Bonjour Franck, bonjour à tous. Ça va bien la forme, pas trop tôt le matin comme ça au réveil? Ah, c'est très bien, ça occupe les retraités. Eh ouais, retraité Christian, et il se démène parce que samedi 19 mars, ce samedi, tous ensemble pour nettoyer les bords de Loire, une Loire propre. Christian, ça se passe comment ce rendez-vous? Explique-nous. Oui, l'opération J'aime la Loire propre, ça dure depuis 13 ans, c'est la 13e édition, ça a commencé en 2010. D'accord. Et le but, c'est de nettoyer la Loire. Et nettoyer les bords de Loire. Mmh. Sur l'ensemble de la Loire, dans le Loiret, nous avons 17 points de ramassage. Ah oui, quand même, ouais. De Briard à Beaugency. Mmh. Et tout un personnel vous attend. Ouais. Tous les volontaires sont les bienvenus. Un petit café pour la bienvenue qui sera servi pendant l'organisation des équipes, la distribution du matériel. Mmh. Les gants vous sont fournis. Ah, ça c'est bien. C'était Rostin. D'accord. Alors ce qui est bien, c'est que on va ramasser pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on ramasse le plus comme objet ou comme papier? Oui, les gros objets ont disparu maintenant depuis qu'on fait des organisations comme ça. Mmh. Mais il y a toujours des petits objets comme les canettes. Ah ouais, les canettes de bière. Les objets en plastique. Oh là là. Tout ce qui flotte, qui est lancé n'importe où, finit par arriver à la Loire. Mmh. Même ce qui est lancé en ville, ça descend dans les égouts, ça finit par la Loire. D'accord, ouais. Et on a depuis quelque temps aussi des cartouches de gaz hilarants. Ouais. Ah oui, carrément, ouais. Et ouais. Qui arrivent là aussi... dont on se débarrasse. Tous les déchets sont triés et mis dans une benne qui est mise spécialement à disposition par la mairie. C'est qu'on salue au passage le maire de Changi, voilà, on lui fait un petit coucou. Ah, bien sûr. Mmh, c'est Durand. Et Jean-Pierre Durand. Mmh. Et la mairie nous épaule pour ça, bien sûr. Bien sûr, hein. Et donc, puis à la fin de l'opération, il y aura un petit verre de l'amitié pour... clôturer. Concrétiser tout ça... pour remercier les volontaires qui seront venus. Ouais. Les volontaires, ça dépend un peu de la météo. Ouais. On a quelquefois une vingtaine de personnes. Une fois, on est arrivé à 50. Ah oui, quand même. Ça ramasse plus vite, tu me diras, comme ça. Et on ramasse beaucoup, beaucoup, ouais, toujours. Mmh. Malheureusement. Mais enfin... Bah, ouais. On fait du bien à la Loire, on fait du bien à tout le monde. Mais si on pouvait lancer, ouais, si ce matin on pouvait lancer un message aux personnes, à tous ceux qui nous écoutent à la radio, même qui passent le message pour éviter de jeter, bien sûr, c'est ça le mot d'ordre un peu. Oui. Ouais. Venez nous rejoindre samedi 19 mars, c'est à 8h30, c'est de bonne heure, hein. Ouais. Oui. À Changi. À partir de 8h30. Ouais. Oui. Et ça démarre à quelle heure? Si quelqu'un a 5 minutes de retard, on l'accueillera, bien ouais, sûr. Ouais, bien sûr. Et quel est l'objet les objets les plus insolites que vous ayez ramassés, par exemple, sur les bords de Loire? Ah, une demi-voiture. Une demi-bagnole, ah oui, carrément, ouais. Je sais pas pourquoi elle est arrivée là, mais coupée en deux. Ah ouais. Là, une demi-voiture, ouais. Et ça représente combien en kilos, à peu près, sur un ramassage comme ça, sur un samedi? Sur Changi, avec une cinquantaine de personnes, on va dire, on arrive à 200 kilos. Ouais. Ah ouais, de déchets. De saleté. Ouais. Bien sûr. Et ça doit être les masques, en ce moment, à mon avis, les masques, il doit y en avoir un paquet, non? Bah, on les retrouve pas à la Loire, pour l'instant. Pour l'instant, non. Ouais. Non, j'ai pas vu. Donc les canettes, ça c'est beaucoup de canettes, malheureusement, hein, tous les objets en plastique, tout ce qui flotte, ça dérive tout doucement, puis ça se, au moment des, suivant les hausses et les baisses de la Loire, la Loire les dépose sur les berges. Ouais, ouais. En tout cas, une belle initiative. Donc, on vous rappelle, samedi, si vous êtes motivé, à 8h30, direction Fourneau-Plage à Changi. Gants fournis. Il faut juste prévoir des bottes. C'est ce qui est marqué sur le petit dépliant. Au cas où. Pour descendre les pieds dans l'eau, ouais. Tout à fait au bord. Après, on fait plusieurs équipes. On fait un massage aussi dans le chemin qui est accessible à côté. Voilà. Mais il est toujours intéressant d'avoir des personnes qui peuvent descendre vraiment sur l'eau. Quoi. C'est ça, donc on ensemble, tous ensemble. On remercie tout le monde. Voilà, tous ensemble samedi pour nettoyer les bords de Loire. Et il y a du boulot, je peux vous le dire. L'opération s'appelle J'aime la Loire propre. Ouais. On peut la voir sur Internet. Sur Internet, voilà, vous tapez J'aime la Loire propre. Et puis si vous êtes motivé. En famille, on peut faire ça avec les enfants aussi, non? Les enfants, ça les motive. Ah mais bien sûr. Ouais. Oui. Hein, on lève les gamins samedi matin à 8h30 et puis on va nettoyer la Loire. Et c'est bon pour la planète comme disait l'autre. Je te remercie Franck. Et ben merci Christian et puis peut-être que si je suis réveillé, je passerai vous faire un petit coucou à demain. Ah bah ouais, je sais que tu connais un peu la région. Un petit peu ouais, je la connais. Merci de cette belle initiative du côté de Changy, la Loire propre et ça fait du bien grâce à vous. C'est très gentil. Merci à tout le monde. Merci, bonne journée Christian. Au revoir. Au revoir, du son qui arrive en direct à la radio. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel. Rappeler des bons moments funky avec Charade, Gimme the Funky Music. C'est la journée mondiale du disco aujourd'hui. Voilà, on voulait vous faire plaisir un petit peu ce matin. L'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope, et on démarre avec les béliers. Vous devrez vous montrer très diplomate en famille, car les astres brouillent la communication. Les taureaux, vous pourriez avoir à affronter les humeurs changeantes de votre partenaire. Les gémeaux, vous vivez dans votre bulle avec votre partenaire, alors sortez de là-dedans, surtout, surtout. Les cancers, en famille, ce sont les enfants qui risquent de vous causer quelques soucis par leur comportement ou leurs difficultés scolaires. Les lions, célibataire, évitez de vous poser trop de questions sur la relation que vous venez de nouer. Les vierges, tout ce qui ressemble à une obligation aura tendance à vous faire fuir aujourd'hui. Les balances, vous verrez votre situation affective sous un éclairage positif. Les scorpions, votre humeur et votre joie de vivre vous rapprochent de votre conjoint. Les sagittaires, vous avez tendance à vous montrer un peu trop sûr de vous et de votre charme. Les capricornes, tendresse et séduction sont au programme ce matin. Les verseaux, vous pouvez vous attendre à un bouleversement heureux de votre vie sentimentale. Et enfin les poissons, ne soyez pas trop discret ou timide, une personne vous émeut aujourd'hui. Du son qui arrive avec le tout nouveau Kenji Girac et on adore. Belle journée et bon réveil, 8h27 sur Alain Franciel. Lie, lie, lie. Je ne joue pas au conquistador. Tu le sais déjà comme je t'adore. Tu vas pas aimer mi amor. Quand je joue, c'est pour la médaille d'or. Quand tu bouges sans lâcher mon regard, sur ta bouche j'imagine des histoires. Si tu boudes, ne le fais pas ce soir. Quand je joue, c'est jamais au hasard. C'est jamais au hasard. Ça peut commencer comme ça, mais jamais finir. Tu sais, on sait pas. Le feu, c'est un pas comme ça, on va pas mentir. On le sait déjà. Moi j'oublie tout quand tu danses. C'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï, laï, laï, laï, laï. Laï, laï, laï. Moi j'oublie tout quand tu danses. C'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Lai, lai, lai. Tu n'as pas raison, je n'ai pas tort. Si je te dis non, tu ne seras pas d'accord. Dans mon cœur, toi, tu voles encore. Je te promets, je vais rester fort. Déjà donné, on m'avait déjà tout repris. Je pourrais tout abandonner si on me l'avait dit. Encore, encore, trop, on pourrait s'en aller là-bas, toi et moi. Ça peut commencer comme ça, mais jamais finir. Tu sais, on sait pas. Le feu, c'est un pas comme ça. On va pas mentir, on le sait déjà. Moi j'oublie tout quand tu danses. C'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Moi j'oublie tout quand tu danses. C'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï, laï, laï, laï. Conquistador, c'est le nouveau Kenji Girac sur la française, 8h31. On vous souhaite une très bonne journée. Un bon réveil du côté d'Olivet, Saint-Jean-de-Bray. La température aujourd'hui va monter tout à l'heure. Ouais, jusqu'à 18 degrés. Normalement, le soleil devrait faire son apparition cet après-midi. Ça va faire du bien. Ouais, c'est Message in a Bottle, version 2022. Et on adore. Battle Sting, version 2022, et on adore. 8h34, la météo pour aujourd'hui. Eh ouais, du soleil. La météo. La pluie est dominante ce matin avec pas mal de nuages. Les températures 8 degrés au lever du jour. On va quand même atteindre les 18 degrés. Et si tout va bien, le soleil devrait faire son apparition dans l'après-midi aux alentours de 14-15h. Voilà, une bonne nouvelle. Enfin, 8h35, Monsieur Laurenceau, qui vient d'arriver dans les studios de la radio française. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du disco sur la planète et en France. Donc n'hésitez pas à écouter des bons vieux titres disco, comme avant, comme on aimait. Bah ouais, ça fait du bien. Un petit peu de disco, c'est funky dans la radio, avec Madonna, Like a Prayer, version 2022. Belle journée et bon petit déj si vous venez d'arriver sur Orléans. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Ça m'aldonne avec la reprise de Louisy Joseph Lincha et Fanny G. 8h41, on est heureux de vous retrouver. Le son Caliente qui arrive avec Henry Mendes. Elles sont les meilleures de la musique. Bandit à la planète. Monsieur Laurent Souk est dans les studios. On va l'accueillir dans 20 minutes. Et puis voici Caliente Music. Yep. Voy a beber hasta que amanezca. Dile a tu mai que se quede quieta, que hasta las 6 no se acaba la fiesta. Oye, juguero, ven, cambia el carbón, que está picante y no tiene sazón. Quiero mangar con ese mujerón, que con la juca ya entregue acción. Préndela, pásala, que la manguera ya bájala. Préndela, pásala, jala. Mami, ponte los zapatos, coge la cartera, que esta noche nos vamos pa' donde tú quieras. Que me gusta. ya sé que me gusta. Hoy voy a beber y voy a rumbear, ya se amanece contigo, no voy a parar. Hoy voy a beber y voy a buquear, ya se amanece contigo, no voy a parar. Y nos vamos en romo y juca, romo y juca, romo y juca, romo y juca, romo y juca, romo y juca, romo y juca. Y nos vamos en romo y juca, romo y juca. C'est bon ça le matin pour vous réveiller. 8h44, je vous rappelle que aujourd'hui c'est la journée mondiale du disco sur la planète, donc n'hésitez pas à mettre des cassettes dans la voiture, hein, à l'ancienne, hein, des cassettes disco. Le MP3, vous le branchez aussi, hein, la clé USB bien sûr. À fond dans le disco, ce matin on aura Claude François pour finir l'émission avant l'arrivée de Monsieur Laurenceau. Bah ouais, Claude François qui a été le précurseur du disco en France. Et puis Stromae qui arrive avec Santé. un bonjour à l'antenne? Appelle le 02 38 43 48 00. Et puis là, histoire de vous rappeler le meilleur des souvenirs, c'est la journée mondiale du disco en France. Et c'est vrai que lui, il a fait beaucoup pour le disco. Il nous a quitté en 1978. Il est parti. Ah ouais, il nous manque. C'est vrai que s'il était toujours là, il aurait envoyé pas mal de bons sons, je pense, aujourd'hui. Voici Clo-Clo, comme on l'appelle, Claude François, la journée mondiale du disco, et son titre planétaire, Alexandrie, Alexandra. Belle journée! Voile sur les filles, parc sur le Nil, je suis dans ta vie, je suis dans tes bras, Alexandra, Alexandrie. Où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tous les mille si tu me retiens pas. Je boirai tous les mille si tu me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Je suis dans tes draps. Oui. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. Je suis plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ce soir j'ai de la fièvre, toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, je danse, je danse dans tes bras. Allez, danse, oui, danse. Allez, danse, danse. Journée mondiale du disco sur la planète. N'hésitez pas à mettre des sons disco aujourd'hui au bureau, par exemple, pour emmerder le patron. Bah ouais, hein, ça fait du bien. Et un peu de douceur, comme ça, avant l'arrivée de Monsieur Laurenceau dans 7 minutes. De la kizomba. Peut-être que le week-end, vous adorez danser la kizomba. Ça remplace un peu les slow aujourd'hui, on va dire. Voici All or Me. Un peu de douceur dans ce monde de brut, surtout en ce moment, avec ce qui se passe en Ukraine. Et on est tout cœur avec tous ces Ukrainiens, Ukrainiennes. Voici All Homie. What would I do without your sponge? Drawing me in and you kicking me out. My head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful night? I'm a young man.